La ZAD sur le pied de guerre. Que l'aéroport se fasse ou pas à Notre-Dame-des-Landes, la zone sera évacuée par la gendarmerie. Reportage dans un camp retranché. Le bocage de Notre-Dame-des-Landes abrite deux mondes. Le premier rappelle la Maison Bleue, chère à Maxime Le Forestier. C'est une maison bleue, adossée à la colline. On y vient à pied, on ne frappe pas. Ceux qui vivent là ont jeté la clé. C'est à San Francisco, mais ça aurait aussi bien pu être sur le plateau du Larzac. Le second est moins peace and love. C'est Notre-Dame-des-Landes version Notre-Dame-des-Luttes. On y parle de profits mortifères plutôt que de communauté et d'amour libre. Deux rêves, deux mondes et quelques créatures protégées. C'est beaucoup pour une même terre. L'affaire remonte à 1965, quand commence l'acquisition des premiers terrains. Car Nantes s'agrandit et les avions survolent la ville, ce qui est théoriquement interdit. Les études initiales ne modifient pas grand-chose à l'équilibre du bocage, mais un mot apparaît, ZAD, qui signifie alors zone d'aménagement différée. Elle le sera effectivement jusqu'en 2008, où le projet de l'aéroport Grand Ouest voit véritablement le jour. La ZAD devient alors « zone à défendre », un slogan libertaire tagué sur tous les panneaux de signalisation, et un slogan bien utile aux partisans de Mère Nature qui affluent aussitôt au secours des six torpilles d'Europe, de la pulicaire commune, de la 610 naine et autres tritons de Blasius. Mais aussi des agriculteurs, des écolos, des Mao, des Black Blocs déjà engagés dans la bataille. Ce peuple de la ZAD ne s'élèverait qu'à quelques 300 personnes, des jeunes, des vieux, des étudiants, des chômeurs. Mais il fait beaucoup de bruit. Obéissance à la loi ! Dispersez-vous ! Ta gueule ! Surtout, il est fier d'une première victoire remportée en 2012 contre les forces de l'ordre. Une tentative d'évacuation, baptisée présomptueusement Opération César, mais qui devait se solder par un repli stratégique après deux jours d'affrontements stériles. Depuis, les zadistes continuent à dominer le terrain. Ils ont leur haut lieu, baptisé « Nous non plus », les Minimis, le Bollywood. Les plus sages concrétisent leur rêve hippie. Ils vivent dans un univers merveilleux qui ressemble à la forêt de Merlin l'Enchanteur. On y aperçoit des cabanes perchées, habité de livres et de sourires accueillants. Le soir, on se rassemble autour du foyer pour parler sans fin de l'avenir. À la ferme de Bellevue, le pain chaud et craquant sort du four chaque matin pour être distribué. Un peu plus à l'ouest, à Saint-Jean-du-Tertre, c'est le coin des parents, ceux qui se sont aimés sur place et ont choisi de rester pour élever les enfants. Une dizaine de caravanes sont disposées en cercle, comme des chariots de colons dans un western. Au centre, ils ont construit une bâtisse en dur, assez grande pour les accueillir. C'est Saint-Jean Cabane. Les papas s'y relaient pour garder les petits entre deux promenades dans les bois. Comme tous les contes de fées, les forêts deviennent effrayantes à la nuit tombée. Elles se peuplent alors de créatures animées de plus ou moins bonnes intentions. Bienvenue à Châtaigne Crépuscule, où les doux rêveurs ont des airs de jacouzes en révolte. Ce sont des guerriers retranchés et organisés qui nous projettent en pleine guerre de 100 ans. Les sentiers de promenade sont devenus des pistes boueuses d'embuscades. Le périmètre est circonscrit de checkpoints, bisons futés, la conserverie, etc. Le bocage camoufle des fossés inondés et autres pièges à ours. Les ronces et les herbes folles cachent des réseaux de câbles et des herses de clous de charpentiers hauts de 20 cm. Dans cette ZAD-là, l'odeur d'essence des cocktails Molotov remplace celle de l'herbe mouillée et les bouteilles de gaz enfouies dans les tranchées promettent de faire tomber les flics par dizaines. Des abris souterrains ont été creusés, cachés dans des fermes ou des bunkers. Des cajots de légumes bio regorgent de caillasses et de carreaux d'arbalète. Il n'y a pas que des poètes et des boulangers chez les zadistes. Il y a aussi des ingénieurs et des artificiers. Leurs trébuchets, catapultes et mortiers auraient fait la fierté de Bertrand Biesclin et même du réalisateur australien George Miller. La route départementale 281 qui traverse la lande a été rebaptisée Mad Max Road. Elle est parsemée de chicanes, de barrages et de véhicules customisés dignes de scénarios apocalyptiques. Sur YouTube, le groupe Brava enregistre un clip de rap intitulé Gaïa Akbar. On défendra nos terres, nos forêts, nos rivières afin qu'elles prolifèrent. On fera face aux violences policières anti-autoritaires. On a choisi d'être solidaires. La politique, c'est cette maudite logique de profit mortifère. D'ordinaire, humain si en terre. Selon les pronostics, nos grosses villes ont 4 jours d'autonomie alimentaire réalisée. Humour offensif, inspiré par Gaïa, la déesse personnifiant la Terre-Mère, et sa Bible récente, Hypothèse Gaïa, du britannique James Lovelock. On y simule l'égorgement d'un cadre de Vinci, l'entreprise chargée des travaux. Postée en 2016, la vidéo a fait plus de 80 000 vues et a recueilli 900 likes. Marécages, levons les barricades et que l'état dégage, car la ZAD vivra. Ces sales paf parlent de djihadisme vert, on dilapide vos machines de guerre. Gaïa Akbar, planque les machines, les djihadistes verts sont là. L'industrie assassine, les renvers sont là. Gaïa Akbar, hors des sondes et des radars, en transition car votre monde est un cadavre. Planque les machines, les djihadistes verts sont là. L'industrie assassine, les renvers sont là. Gaïa Akbar, hors des sondes et des radars, en transition car votre monde. Les ribauds du bocage maîtrisent le terrain de la communication par talkie-walkie, sur internet ou application Periscope. Radio Klaxon bombarde les ondes de nouvelles du front. Des militants se préparent à s'entraver sur les routes et dans les arbres, à ramper, dénudés au devant des forces de l'ordre. Ils sont soutenus par des réseaux agricoles comme Copain 44, capables de rassembler plusieurs centaines de tracteurs. D'autres, ultra-violents, cagoulés de noir, sont là pour casser du bleu. Connus, voire condamnés pour violence, dégradation, fabrication des transports d'engins explosifs, ces tritons crétés n'attendent que la guérilla. En août 2015, une patrouille de gendarmerie escortant un huissier venu signifier un arrêté d'expulsion a été attaquée et son véhicule incendié. Récemment, un autre huissier a été braqué au fusil de chasse. Le ton est donné. Pour évacuer la ZAD, l'appui des drones, du renseignement et des moyens du génie sera sans doute utile aux forces de l'ordre. En 2012, quelques 20 escadrons de gendarmerie, soit près de 2000 hommes, avaient été mobilisés. Cette fois, avec des effectifs triplés, l'État devra mener la plus grosse opération de sécurité publique de ces 20 dernières années. qu'ils ne font que réprimer au nom de l'intérêt public. Les dernières pelouses sont entre des poteaux de foot. Le monde entier comme une immense serre dans ton route. Coûte que coûte, anticapitaliste et décroissant. Vend le vent et bien réinventer ta démocratie. Démocrateux dans leur bouche réactionnaire. Affame les campagnes, engraissent les actionnaires. La tonnerre comme un retour à la réalité. Gaïa Wakba, le meilleur peut encore arriver. Planquer les machines, les djihadistes verts sont là. L'industrie assassine, les renverse sont là. Gaïa Wakba, hors des sondes et des radars. En transition car votre monde est un cadavre. Planquer les machines, les djihadistes verts sont là. L'industrie assassine, les renverse sont là. Gaïa Wakba, hors des sondes et des radars. En transition car votre monde